Craché sur le voile d'une mère, craché sur le voile de sa fille, est devenu sur nos terres un acte des plus futiles, qui en remerciait par ses vers, qui récompensait, oui, qui. Moi l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. Moi l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. Mais non d'une pipe que c'est galère de se repérer sans souci, dans ce croyant nœud de vipère que forme l'islamophobie, des calomnieurs aux incendiaires, qu'ils soient sévères ou bien réjouis. Moi l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. Moi l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. Camus, Zemmour ou Houellebecq, peu cher, sont bien exclus de cet audit. Leurs travaux sont légendaires et ils éclipseraient la suite. Je préfère être égalitaire, donner leur chance aux plus petits. Car l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. Car l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. La retraite d'Homme frais me désespère, j'en suis encore tout mari. Même si j'apprends qu'en Angleterre, son livre sur l'islam est traduit. Moi j'ai la langue de Voltaire et je me sens tellement trahi. Donc l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. Donc l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. J'ai bien entendu Badinter, il y a peu j'étais tout oui. Son coming out sur France Inter m'a bien évidemment réjoui. L'islamophobie est sincère et l'assumer vaut tout son prix. Mais l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. Mais l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. Philippe Valky aime faire taire les voix qui rient de Sarkozy, se dispersent de façon vulgaire, islam, genre ou sociologie. La haine n'est pas une mince affaire, la dispersion est notre ennemi. Moi l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. Moi l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. Fourès, bien sûr, j'ai un ulcère de ne pas l'avoir mise au zénith. Elle a bossé dur un vrai calvaire et cette place, elle le mérite. Mais il n'y a vraiment rien à faire. La seule pensée qui m'étourdit, c'est que l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. C'est que l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. Quiconque douterait de ma colère face à tant de haine impunie doit savoir que l'humour envers m'évite juste d'être un aigri. C'est pour ça que je persévère qu'à la fin de l'envoi je dis « Moi l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. Moi l'islamophobe que je préfère, c'est bien Mohamed Zifaoui. »